embêtant. Esprit bétonné. Esprit embêtant. Esprit bétonné. On vient de lui embêtant, dans les tours, ta piste t'emmène toujours aussi compétent. Toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur. Dans un sens que ça peut étonner. Esprit embêtant. Esprit bétonné. Toujours prêt pour les tours et tourner.